le même ciel tranquille. Ils sortirent un moment sur la route en se donnant le bras. Cela rappelait leur promenade d'hier. Seulement la nuit ne devait plus les réunir. Ils marchaient sans but, en rebroussant vers Paimpol, et bientôt se trouvèrent près de leur maison, ramenés là insensiblement sans y avoir pensé. Ils entrèrent donc encore une dernière fois chez eux, où la grand-mère Yvonne fut saisie de les voir reparaître ensemble. Yann faisait des recommandations à Gaude pour différentes petites choses qu'il laissait dans leur armoire, et surtout pour ses beaux habits de noces, les déplier de temps en temps et les mettre au soleil. À bord des navires de guerre, les matelots apprennent ces soins-là. Et Gaude souriait de le voir faire son entendu. Il pouvait être bien sûr pourtant que tout ce qui était à lui serait conservé et soigné avec amour. D'ailleurs, ses préoccupations étaient secondaires pour eux. Ils en causaient pour causer, pour se donner le change à eux-mêmes. Ils se parlaient bas, bas, comme par crainte d'effaroucher les instants qui leur restaient, de faire fuir le temps plus vite. Leur causerie avait le caractère à part de tout ce qui va inexorablement finir. Les plus insignifiantes petites choses qu'ils se disaient semblaient devenir, ce jour-là, mystérieuses et suprêmes. À la dernière minute du départ, Yann enleva sa femme entre ses bras. Ils se serrèrent l'un contre l'autre, sans plus rien dire, dans une longue étreinte silencieuse. Il s'embarqua, les voiles grises se déployèrent pour se tendre à un banc léger qui se levait dans l'ouest. Lui, qu'elle reconnaissait encore, agita son bonnet d'une manière convenue, et longtemps elle regarda, en silhouette sur la mer, s'éloigner son Yann. C'était lui encore, cette petite forme humaine debout, noire sous le bleu cendré des eaux, et déjà vague, perdue dans cet éloignement, où les yeux qui persistent à fixer se troublent et ne voient plus. À mesure que s'en allait cette Léopoldine, Gaude, comme attiré par un aimant, suivait à pied le long des falaises. Il lui fallut s'arrêter bientôt parce que la terre était finie. Alors elle s'assit, au pied d'une dernière grande croix qui est là, plantée parmi les ajoncs et les pierres. Comme c'était un point élevé, la mer vue de là semblait avoir des lointains qui montaient, et on eût dit que cette Léopoldine, en s'éloignant, s'élevait peu à peu, toute petite, sur les pentes de ce cercle immense. Les eaux avaient de grandes ondulations lentes, comme les derniers contre-coups de quelques tourmentes formidables qui se seraient passées ailleurs, derrière l'horizon. Mais dans le champ profond de la vue, où Yann était encore, tout demeurait paisible. Gaude regardait toujours, cherchant à bien fixer dans sa mémoire la physionomie de ce navire, sa silhouette de voilure et de carène, afin de le reconnaître de loin, quand elle reviendrait à cette même place l'attendre. Des levées énormes de houle continuaient d'arriver de l'ouest régulièrement l'une après l'autre, sans arrêt, sans trêve, renouvelant leur effort inutile, se brisant sur les mêmes rochers, déferlant aux mêmes places pour inonder les mêmes grèves. Et à la longue, c'était étrange, cette agitation sourde des eaux, avec cette sérénité de l'air et du ciel, c'était comme si le lit des mers, trop rempli, voulait déborder et envahir les plages. Cependant, la Léopoldine se faisait de plus en plus diminuée, lointaine, perdue. Les courants sans doute l'entraînaient, car les brises de cette soirée étaient faibles et pourtant elle s'éloignait vite. Devenue une petite tache grise, presque un point, elle allait bientôt atteindre l'extrême bord du cercle des choses visibles et entrer dans ces eaux-delà infinies où l'obscurité commençait à venir. Quand il fut 7 heures du soir, la nuit tombée, le bateau disparut, Gaude rentra chez elle, en somme assez courageuse, malgré les larmes qui lui venaient toujours. Quelle différence en effet, et quel vide plus sombre, s'il était parti encore comme les 2 autres années sans même un adieu. Tandis qu'à présent tout était changé, adouci. Il était tellement à elle sans Yann, elle se sentait si aimée, malgré ce départ, qu'en s'en revenant toute seule au logis, elle avait au moins la consolation et l'attente délicieuse de cet au revoir qu'il s'était dit pour l'automne. Ainsi s'achève « Les adieux » par Pierre Loti.